Février 1680, une femme est brûlée vive sur la place de Grève. C'est la fameuse empoisonneuse, surnommée Lavoisin, qu'on exécute. « Allez tous vous faire foutre !» hurle-t-elle en s'agitant comme une possédée. Découvrez la véritable histoire de l'empoisonneuse du Roi Soleil, racontée avec truculence et verdeur par Isabelle Duquesnoy. Un monde terrifiant, mais bien réel, où se mêlent vie à la cour, exorcisme, meurtre d'enfants et sacrifices. La Chambre des Diablesses, le nouveau roman historique d'Isabelle Duquesnoy, aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Rêver un monde en paix, histoire du droit international. L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société ayant cette déclaration constamment à l'esprit s'efforcent par l'enseignement et l'éducation de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer par des mesures progressives d'ordre national et international la reconnaissance et l'application universelle et effective tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. Le 10 décembre 1948, ils sont 58 États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale des Nations unies pour cette Déclaration des droits de l'homme. Oui, une histoire qui nous conduit jusqu'à un passé lointain dans l'univers mésopotamien. Dans la province du Luristan, à la fin du premier millénaire avant le Christ, se produisit une explosion des arts du bronze qui est l'une des gloires de l'art iranien. Il savait, ces cavaliers qui ruisselaient des montagnes du Nord, que nulle forme n'est exacte au galop d'un cheval. Ce fut l'un de ces moments où recommence l'art. Les bronzes du Luristan, avec ce qu'ils cèdent à la tradition locale, avec ce qu'ils révèlent de génie particulier, sont nés d'une rencontre, celle des Mèdes et des Cimmériens. L'envahisseur cède à l'envahi pour que naisse un art renouvelé par la violence de l'imagination après la violence des armes. L'évocation de l'Iran ancien dans l'émission Terre des Arts en 1962. Et dans cette évocation, il y a déjà des rencontres entre populations. Bonjour Dominique Gourier. Alors effectivement, dans l'Antiquité, il y a un monde qui est le monde mésopotamien. Et puis le monde égyptien également, qui nous a laissé énormément de sources cunéiformes, en écriture cunéiforme, sur les relations internationales de l'époque. Alors, peut-on parler de relations internationales ? La question est difficile parce qu'il n'y a pas de nation à proprement parler à l'époque. Il y a des entités politiques organisées, on pourrait dire des États, avec une administration de scribes à leur service, et qui nous ont laissé, et on a retrouvé d'ailleurs, à Tel Amarna aussi en Égypte, on a retrouvé des sources qui mentionnent ces relations entre les entités politiques de l'époque, et on a même conservé des traités, comme le traité de Kadesh, entre l'Égypte et les Hittites sous Pilioulouma, le roi Supilyuluma, on l'a dans les deux versions, égyptienne et hittite, et un traité qui montre qu'il y avait une pratique internationale, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça, à l'époque, avec des traités. Et puis on a, à une époque plus récente, celle de la Grèce, avec Thucydide, l'histoire de la guerre du Péloponnèse, de nombreux exemples de traités oui. qui nous sont conservés. Parce que l'idée de nation, on le retrouve dans le mot international. Il n'a pas fallu attendre la naissance des nations pour qu'il y ait des traités entre des entités différentes. Absolument. Il n'a pas fallu attendre. Dites-nous, qu'est-ce que le droit international selon vous ? Comment on pourrait le définir ? Alors, je ne sais pas si nous serons tout à fait en accord avec mon collègue Pellet. Pour moi, c'est plus une volonté, quelque chose conçu comme un avenir, que comme véritablement la réalité d'un droit. Pour la bonne et simple raison que la règle de droit, elle est toujours accompagnée de sanctions. Et que le droit international, même si ça commence à se mettre en place, notamment avec la Cour pénale internationale, le droit international est souvent dénué de sanctions. C'est-à-dire que quand vous ne respectez pas les règles, eh bien, c'est la loi du plus fort qui joue. Le Hobbes le disait déjà, hein, et niait l'existence d'un droit international. Ouais, oui, parce que c'est ça, le droit, c'est aussi la réflexion sur la sanction et c'est la possibilité de sanction. Bonjour Alain Pellet. Bonjour. Comment définiriez-vous le droit international ? Certainement pas comme ça. Voilà. Je définirais comme un ensemble de normes, c'est-à-dire de règles qui s'adressent, qui ont des destinataires, qui doivent être respectées. Et dire qu'il n'y a pas de sanction me paraît tout à fait inexact. Il y a une sanction qui s'appelle la responsabilité de l'État, qu'elle soit difficile à mettre en œuvre, oui, mais là, on va sauter, moi, les meds, c'est pas vraiment ma spécialité, les meds et les perses, c'est pas vraiment quelque chose qui me passionne. Ce qui me passionne beaucoup plus, c'est le droit international comme un outil, comme un ensemble de normes qui oriente effectivement, et c'est effectif, quoi qu'en pense la bonne opinion publique moyenne, qui oriente effectivement l'attitude des États. C'est un outil qui est censé et qui réussit la plupart du temps encadrer les relations d'abord entre les États et puis plus récemment ça s'est étendu. On a parlé de la Cour pénale internationale, c'est presque anecdotique pour le droit international, ça s'adresse directement aux individus, donc c'est intéressant. Mais au départ, le droit international, il se fait quand même entre les États, intergentes, entre les nations. Donc c'est dire qu'il n'y a pas de sanctions. Ben si, il y a toujours eu une sanction, c'était la guerre. L'énorme mutation, elle vient, à mon avis, essentiellement en 1920, avec la paix de Versailles, avec la création de la Société des Nations, où là, la guerre commence à être proscrite. Ça a commencé un tout petit peu avant, en 1907, où le recours à la force a été limité. Dans des relations tout à fait particulières entre les États. Parce que l'histoire du droit international, c'est aussi l'histoire de la constitution des États. Pour qu'il y ait État, il faut qu'il y ait une réflexion sur l'organisation de la société et deux interlocuteurs. Je peux mettre ça à l'envers. Dites. Je crois que pour qu'il y ait droit international, il faut qu'il y ait État. C'est plutôt dans ce sens-là que je mettrais la chose. Et c'est pour ça que remonter avant le XIIe siècle, pour moi, fait pas tellement sens en droit international. Ça montre que les sociétés humaines ont besoin de quelques règles pour vivre entre elles. Mais ce n'est qu'à partir du moment où l'État moderne, tel qu'on soit, arrive sur la scène humaine, qu'on peut parler vraiment de droit international. Avant, c'est l'histoire. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, mais je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses et ce n'est pas du droit international. Dominique Gorrier, vous êtes maître de conférences émérite en histoire du droit à la faculté de droit de Nantes et vous êtes l'auteur de cette histoire du droit international de l'Antiquité à la création de l'ONU, publié aux presses universitaires de Rennes. Dans ce regard sur le temps long du droit international, on sent bien qu'il y a toute une partie où les relations entre entités différentes, et vous voyez, j'utilise pas le mot État, c'est au moment des guerres. Plutôt même à la fin, c'est pour régler les guerres, oui, après la guerre. Les guerres. C'est effectivement pour régler les guerres, mais à l'époque médiévale, on a vu apparaître, et surtout en Italie, on a vu apparaître, alors que l'Italie c'est une multiplicité de petits États, de petites républiques indépendantes, on a vu apparaître notamment les auteurs qu'on appelle les commentateurs du droit romain. Barthole et son élève Balde, qui est mort au début du XVe siècle, donc au XIVe siècle, on a vu apparaître ces auteurs qui se sont intéressés aux relations entre les cités. Et notamment, Barthole a fait tout un traité sur les représailles, notamment. Et dans le commentaire aussi qu'il a fait sur la première loi du Code de Justinien, Cunctos Populos, il a parlé des statuts personnels et de la question des statuts. Donc c'est plutôt du droit international privé que du droit international public, mais c'est extrêmement intéressant. Et il utilise le droit romain justement comme un réservoir d'idées, non pas en le rapportant à son époque comme le font les humanistes ou comme l'a fait Jacques Cujas, mais comme un réservoir de règles qui lui servent à essayer d'organiser les choses. Ebald fait exactement pareil pour les relations entre cités italiennes. Alors, le gros problème, c'est qu'à cette époque, ça n'est pas organisé. Vous n'avez pas de plan de construction. C'est au cas par cas qu'on règle les problèmes. Et ça rend très difficile, justement, de considérer ça comme des traités de droit international. Je vois, vous avez un autre personnage de la même époque, ou un petit peu plus tardif, qui est du 15e siècle, Martino Garato di Lodi, qui a fait un traité sur les traités et un traité sur le droit de la guerre. Bon, c'est une suite de questions sans ordre. Moi, je les ai traduits, ces deux traités, du latin. C'est une suite de considérations, mais vous n'avez pas de plan. Oui. Vous n'avez pas de plan. Et puis, on est dans un mode de réflexion, parce que au moment d'évoquer le droit international, il y a deux approches possibles. Il y a le droit en tant que science, c'est-à-dire celles qui réfléchissent à ce qu'est le droit international. Et puis après, il y a l'application. C'est vrai que sur cette longue histoire, nous avons beaucoup de réflexions. Ces réflexions ont-elles une incidence sur l'application? Est-ce qu'on regarde les savants, les juristes qui pensent les relations entre États? Est-ce que ça a vraiment une incidence au moment où le prince veut faire une conquête? Non, globalement, non. Ça n'a pas beaucoup d'incidence parce que les chefs d'État font à leur tête, n'en font qu'à leur tête, et règlent directement les problèmes qu'ils ont entre eux sans forcément toujours s'appuyer sur les réflexions des juristes. Alain Pellet, c'est peut-être ça aussi le droit international, c'est empêcher que ces chefs d'État n'en fassent qu'à leur tête. Oui, sauf que c'est quand même eux qui font les relations internationales. Donc, mais là aussi, je suis un peu plus nuancé que ça. D'abord, je suis d'accord sur le fait qu'il faut remonter au XIIe siècle. Ensuite, jusqu'au XVe siècle, XVIe siècle, peut-être presque XVIIe siècle, personne, les États, les princes, en fait, font du droit international comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir. Ils respectent des règles entre eux, mais sans avoir conscience qu'il existe quelque chose qui les oblige à le faire. Il faut attendre la période, ça commence peut-être avec Vittoria, et il faut attendre notre grand-père à tous, nous autres internationalistes, on dit que c'est Grotius, il faut attendre quelques grands esprits qui au XVIIe siècle vont dire on peut mettre de l'ordre dans tout ça. Et ça, c'est la différence avec les auteurs que vient de citer mon collègue, que je connais pas, qui eux ne s'intéressent qu'aux personnes, alors que Grotius s'intéresse aux princes, c'est-à-dire aux États. Qui est ce Grotius? Ah, c'est un personnage drôlement intéressant. Oui, je suis d'accord. C'est un diplomate de nationalité néerlandaise. Il s'appelle Hugo de Groot, qui a une vie tout à fait intéressante et qui est une sorte de consultant international. Il forge sa réputation essentiellement en consultant pour le prince d'Orange, pour les Pays-Bas, sur le droit de la mer. Et il dit « la mer est libre », ceci pour embêter les Anglais qui, eux, disent « non, la mer est anglaise ». Et d'ailleurs, ils vont lui opposer un champion qui est Selden. Et donc, c'est la mare eclosum, la mer fermée pour Selden, la mer ouverte pour Grotius. Et ce qui va avoir une énorme importance. Alors, quand on dit que les princes s'en fichent, non, ils s'en fichent pas. Finalement, on fait appel à Grotius et quand même pas mal d'autres. On fait appel. Et puis, Grotius, il dit au prince, non, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Il y a un droit naturel. Ça va marcher pendant pas mal d'années. Le droit naturel va être la doctrine dominante. Et puis, les monarques absolus, ils n'aiment pas tellement qu'on leur dise qu'il y a quelque chose au-dessus d'eux, et on va passer, c'est très simplificateur, mais on va placer à des gens comme Vattel, qui eux disent non, il y a un droit naturel, mais au fond, ce qui compte, c'est le droit entre les États, c'est-à-dire le droit qui est volontaire, qu'ils ont accepté. Moi, je suis très contre, je ne suis pas un volontariste, je crois que le droit, c'est autre chose que la volonté de l'État, mais pendant longtemps, ça va être la doctrine dominante, et il va falloir attendre pratiquement la Première Guerre mondiale pour qu'il y ait un reflux et que d'autres écoles moins compréhensives pour le cynisme des volontaristes voient le jour. Et puis, c'est pas un hasard, on se dit XVIIe siècle, il y a une réflexion autour de la mer avec Grotius, parce que la mer, c'est cet espace nouveau. Autant sur les terres, il y a des pratiques anciennes de relations entre États, la mer. Alors, le traité de Grotius, que j'ai traduit également en français du latin, le traité de Grotius est né dans une circonstance extrêmement particulière. Les Hollandais qui s'étaient fait confisquer des vaisseaux. Et c'est la Compagnie des Indes néerlandaises qui a sollicité l'avis de Grotius pour défendre ses thèses. Alors, Grotius, à mon avis, on a beaucoup surévalué sa valeur. Et pour moi, ce qui compte, c'est beaucoup plus un autre personnage qu'on néglige, à mon avis, beaucoup trop, qui est Alberico Gentili, qui est véritablement le premier à écrire un traité du droit de la guerre, et en s'appuyant, en essayant de fixer des règles, bien sûr, reprises au droit romain, parce que c'était un romaniste également, et surtout, je dirais que le droit naturel ne l'intéressait pas beaucoup. Et il s'est appuyé également, beaucoup plus que ne le fait Grotius, qui prend toujours ses exemples, quand on lit son traité du droit de la guerre et de la paix, ses trois livres, s'appuie sur l'histoire de l'Antiquité, lui s'appuie sur l'histoire de son époque. Et toutes ses sources, alors aussi, bien sûr, sur l'histoire ancienne, mais Gentili s'appuie sur les faits de son époque. Et c'est ce qui est beaucoup plus intéressant que chez Grotius, à mon avis. Et c'est très dommage que cet auteur, qui a écrit sur le droit des ambassades également, soit un peu mis sous le boisseau face à Grotius. Pour moi, l'œuvre la plus importante de Grotius, que j'ai également traduite du néerlandais, c'est son Inleiding tot de Hollandse Rechtsgeleerdheid, c'est-à-dire introduction à la jurisprudence hollandaise. Parce que là, nous sommes dans une réflexion jurisprudence qui veut dire qu'il y a un regard sur ce qui se Absolument. Passe. Et puis, il y a cette application concrète. Hein, au moment d'évoquer la mer, on pense souvent pour le droit international à la guerre. Mais non, il y a le commerce aussi. Oui, mais c'est ça. C'est le commerce. C'est la Compagnie des Indes néerlandaises qui lui avait demandé d'instruire le dossier en sa faveur. Oui, il faut faire attention, pas confondre les choses. Il y a d'une part la Mare Liberum, la mer libre, et puis il y a d'autre part le grand œuvre de Grotius, qui est le droit de la guerre et de la paix. Mais la raison, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit sur Gentili et Grotius, sauf que Gentili a dû s'exiler de son Italie oui, natale pour aller en Angleterre, ce qui aussi a limité son influence. Mais ce qui était extraordinaire avec Grotius, c'est son sens de la communication. C'était formidable, mais il avait un sens de la propagande formidable. Et donc, c'est ça qui fait que Grotius est placé comme... Je suis d'accord, c'est purement théorique, mais n'empêche que, grâce à lui, malgré tout, on se dit « Ah, il existe quelque chose qui s'appelle le droit, le jus gentium, le droit des gens, qui va devenir, ou qui était déjà d'ailleurs avec Vittoria, le droit entre les nations, intergentes, et puis ça va devenir le droit international avec Bentham au XVIIIe siècle. Oui, tout à fait. Et puis il y a le contexte, hein, c'est par exemple un homme comme Grotius, il y a ce qu'il voit autour de lui ce XVIIe siècle, ce premier XVIIe siècle, c'est la guerre de 30 ans. Hein. Oui, c'est une très longue guerre, il assiste à ça. Alors il ne voit pas la fin parce qu'il meurt en 1645 oui. et en 1648. L'affaire se résout autour un peu d'un plateau de fromage aussi. Vous prendrez bien un bout de Munster. 1648, le traité de Munster en Westphalie marque la fin de la guerre de 30 ans. L'empereur d'Autriche cède ses possessions alsaciennes au roi de France. Le traité est ambigu. Il installe la France en Alsace, mais en partie seulement. Dans une province à genoux, ruinée et dépeuplée par la guerre, le royaume de France va étendre progressivement sa domination sur l'Alsace entière à coups de victoires diplomatiques et militaires. Louis XIV et sa suite vont rester 3 jours dans la ville nouvellement conquise. 100 000 curieux, dit-on, se bousculent dans les rues de Strasbourg pour admirer la cour. Le roi assiste à un Tédéum à la cathédrale. Strasbourg, entièrement luthérienne, a dû rendre sa cathédrale au culte catholique. C'était l'une des principales conditions de la capitulation. Pour le reste, Strasbourg conserve sa liberté de culte et son autonomie administrative. Une ère nouvelle va s'ouvrir pour la ville, citée au passé germanique, et qui se découvre un avenir français. Le roi Soleil règne maintenant sur la capitale de sa nouvelle province. Nous étions sur France 3 en l'an 2000 pour évoquer 2000 ans en Alsace. Et nous étions surtout en 1648. Cette histoire-là nous a fait évoquer des juristes. Hein. Il y a Grotius, il y a Gentili. Gentili, c'est un petit peu avant Grotius. Oui, un donc, petit peu avant. Nous sommes au XVIIe siècle. En quoi ce milieu du XVIIe siècle, et notamment ces traités de 1648, c'est un moment important dans l'histoire du droit international? C'est un peu comme Grotius, c'est symbolique plutôt qu'autre chose. D'abord, il n'y a pas un traité, contrairement à ce que disait l'extrait que vous avez passé, il n'y a pas un traité, il y a des traités, une série de traités, parce que justement, on n'arrive pas à concevoir qu'il y ait une société, ça c'est quelque chose à laquelle je suppose qu'on va venir, qu'il y ait une société internationale, qu'il y ait une communauté internationale, il y a une addition d'États. Alors le roi de France va signer avec la reine de Suède, avec les princes allemands, mais il faut faire plusieurs traités parce que l'État est seul. Là, la souveraineté est exacerbée, mais... Westphalie, c'est justement, symboliquement, plus à mon avis qu'en réalité, le mot souveraineté, pas dans aucun des traités de Westphalie, d'Osnabrück ou de Westphalie, le mot souveraineté n'y est pas, mais l'idée est vraiment très prégnante. Alors on dit, ah voilà, on a inventé la souveraineté, qui évidemment est une invention qui a suivi son cours depuis longtemps, depuis le Moyen-Âge, comme on le disait tout à l'heure. Moi, je sais que c'est pas très à la mode d'être marxiste, disons que je suis marxisant dans ces affaires, c'est-à-dire que je crois que c'est le capitalisme, la montée du capitalisme qui est à l'origine de la forme étatique du vrai État tel qu'on le connaît maintenant. Mais Westphalie, c'est un peu la cristallisation de ça. Donc on en fait la société interétatique devient la société westphalienne. C'est une image, mais une image assez exacte et ça va durer. On va oublier totalement l'idée qu'il existe une société internationale, ou en tout cas on ne va pas s'en convaincre jusqu'à au moins la création de la STN. Et aujourd'hui encore, beaucoup de mes collègues disent « Oh non, il y a peut-être une société internationale, mais sûrement pas de communauté internationale. » Et cette résistance à l'acceptation de l'idée qu'il y a une société d'État qui a des intérêts suffisamment communs pour être considérés comme une communauté, c'est un héritage de la pensée westphalienne. Oui, un moment important, cette année 1648, Dominique Gorier, dans cette longue histoire du droit international, là nous avons quelque chose, c'est vraiment cette idée-là qui est vraiment à mettre en avant, cette communauté internationale, une prise de conscience aussi. Nous savons combien les systèmes sont très différents d'aujourd'hui, avec beaucoup de monarchies, avec beaucoup d'alliances aussi, il y a des familles. Qu'est-ce que c'est que cette communauté internationale westphalienne ? Alors, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas pour la bonne et simple raison que l'empire allemand qui résultera du traité de Westphalie, c'est un empire formé de 350 États séparés les uns des autres et qui peuvent entretenir chacun pour eux-mêmes, des relations internationales. C'est donc quelque chose qui est très différent de ce que l'on peut penser par rapport à l'Empire bismarckien, tel qu'il se refera avec Bismarck, après la défaite française de 1870. Donc on est aux antipodes. C'est-à-dire que même l'Empire allemand n'a pas conscience de former, je dirais, une vraie communauté. Alors vous avez... Par contre, des États qui, eux, existent bel et bien et qui ont conscience d'eux-mêmes, avec le traité de Westphalie. Je veux parler des provinces unies, qui vont être déclarées indépendantes par rapport à l'Espagne. Je parle de la France, qui est un État bien constitué et qui a conscience de lui-même. Je parle de la Suède, qui forme un État qui a conscience de lui-même également à l'époque, ainsi que de l'Angleterre, mais qui n'a pas participé. au traité de Westphalie. On a donc ici des entités politiques qui sont très différentes et ces notions de souveraineté qui ne sont pas conçues du tout de la même façon. C'est en germe, comme vous le disiez, c'est en germe très clairement chez certains, mais pas chez tous, et notamment dans l'Empire d'Allemagne. Et de la part des juristes, alors le travail est de lister tous ces traités entre toutes ces entités, mais c'est gigantesque vu le nombre d'entités, cette mosaïque européenne. C'est ça, c'est lister tous ces possibles éléments du droit international. Alors ça se fera plus tard. Ça oui, se fera plus tard. Et je suis pas sûr que ce soit l'essentiel du travail des juristes. Ça, c'est, oui. C'est plutôt le travail des archivistes ou des documentalistes. Notre boulot, il est un peu différent. Et encore une fois, on en revient à grand-papa Grotius. Lui, il essaye de faire un traité général des règles du droit international public. Alors, il va les chercher pas dans les traités. Il va aller chercher dans la raison pure, dans la, raison, dans la nature, qui est reflétée par la saine raison, qui est reflétée par le droit romain, etc. On est dans une période de renouveau du classicisme. Donc, on va chercher chez les Romains du droit qu'on dit naturel. Donc, non, laissez tomber les traités bilatéraux. En plus, je suis pas sûr qu'il y avait tellement de traités entre les petits princes allemands ou italiens. Hein. Ils se mariaient plutôt qu'ils signaient des traités. C'est un beau traité aussi, le mariage. Mais alors, quelle est l'influence de la pensée d'un homme, par exemple, comme Grotius, vu qu'on le cite sans cesse. Lui, il est mort donc en 1645. C'est juste trois ans avant les traités de Westphalie. Sa pensée, on le sent bien à vous écouter l'un et l'autre, est très pertinente dans un droit naturel, quelque chose qui dépasse les nations. Est-ce qu'il est écouté un peu ? Manon ? Enfin, il est écouté, si. D'abord, son traité, qui est écrit donc au départ en latin, est traduit immédiatement dans beaucoup de langues. Il est diffusé en milliers d'exemplaires, ce qui pour l'époque est extraordinaire. Donc, mais mis à l'index. Dire qu'il n'a pas. Il a papoté. Il est mis à l'index. Ah oui, donc. C'est un protestant. Ah, il est protestant. Hein. Ah oui, c'est, ben voilà. C'est pas recommandable. mais en plus, donc il a forcément de l'influence. Mais il entraîne, comme je l'ai vaguement dit tout à l'heure, il entraîne une réaction. Les monarques qui se veulent absolus, ils disent qu'est-ce qu'on vient m'enquiquiner avec des règles de droit naturel que j'ai pas voulu, c'est quelque chose qui limite justement l'absolutisme monarchique. Donc, ça, il y a une forte réaction anti-grossienne. Encore une fois, Grotius n'étant qu'un symbole. Il y a d'autres gens, Bingarchuk, bien d'autres, qui sont à mon avis aussi plutôt plus importants, mais peu importe. C'est quand même Grotius qui est le centre de ça, de cette pensée grossienne, et ça va susciter des réactions, et le principal, ça va être un Suisse qui s'appelle Vatel, qui lui fait beaucoup plus plaisir au monarque absolu en disant, bon, ok, le droit naturel c'est bien, il faut le respecter, mais par contre, ce qui est important, c'est le droit volontaire, c'est-à-dire les traités. Là, on vient à vos traités, mais les traités, c'est un petit bout du droit international. À l'époque, le droit international est constitué bien plus par des coutumes que par des traités. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais à l'époque, ce qui est intéressant, c'est la coutume. Il y a un auteur qui le fait très très bien remarquer, qui est un auteur du XVIIe siècle, qu'on connaît très peu, qui est un auteur allemand, qui est Samuel Rachel, et qui a fait un tout petit traité de droit international, par contre, précédé d'une introduction sur le droit naturel qui est absolument énorme et sans intérêt, à mon avis, enfin pour moi, sur le plan international, il insiste en disant que les deux sources du droit international, c'est effectivement la coutume et les traités. Et c'est un réaliste, un positiviste. Il évacue totalement le droit naturel. Oui, parce qu'il y a cette réflexion toujours entre la science, la réflexion et puis l'utilité pratique. Alain Pellet, vous êtes professeur émérite à l'Université de Nanterre, ancien président de la Commission du droit international des Nations Unies, président de l'Institut du droit international et président d'honneur de la Société française pour le droit international. Vous n'avez pas besoin de raconter, de dire tout ça. Si, parce que, écoutez, quand on a une belle carrière, faut le dire, c'est tout votre honneur. Dans ce travail qu'il y a aujourd'hui autour du droit international, est-ce que au moment où vous relisez ces penseurs du passé, par exemple Grotius, vous dites « Ah, il y avait déjà des éléments pertinents qui traversent sans problème les siècles. » Alors, je le dis d'autant plus que moi, je ne suis pas positiviste. C'est-à-dire que la réaction de Vattel, c'était de dire « Non, il n'y a que l'État qui compte, que la volonté de l'État qui compte. » Ce que je pense moralement intenable, parce que sinon, si Hitler avait gagné, il y aurait plus de juifs sur la terre. Donc je trouve ça intenable. Donc personnellement, le droit naturel ne m'est pas complètement étranger. Et je pense que le progrès, ça a été de dire non, il n'y a pas que les traités. Alors, M. Grenier a dit, il y a les traités et la coutume, oui, il y a aussi les principes généraux de droit, mais la coutume, elle doit pas grand-chose à la volonté de l'État. C'est une pratique qu'on en vient finalement à considérer comme étant le droit. C'est tout ce qu'on peut en dire. La volonté de l'État, elle n'existe pas là. Donc, je pense que heureusement, on s'est aperçu que le cynisme des volontaristes, des positivistes, était dangereux et ça a donné les excès de souveraineté. Ça a donné la Première Guerre mondiale, ça a donné la Seconde Guerre mondiale et ça donne la souveraineté poutiniste. Oui, voilà. Ce qu'on voit encore aujourd'hui, parce que les sources sont très importantes, la réflexion s'y conduit à penser le droit international, ça c'est une chose. Et puis il y a la finalité, pourquoi pas la paix universelle. Il est des peuples en tant qu'État comme des individus. Dans l'état de nature, c'est-à-dire dans l'indépendance de toute loi extérieure, leur seul voisinage est déjà une lésion réciproque. Et pour garantir sa sûreté, chacun d'eux peut et doit exiger des autres qu'il entre avec lui dans une constitution analogue à la constitution civile, où les droits de chacun puissent être assurés. Ce serait là une fédération de peuples, qui ne formerait pas cependant un seul et même État. Il faut que le droit des gens soit fondé sur une fédération d'États libres. Emmanuel Kant, Vers la paix perpétuelle, 1795. Daniel Königsberg, qui était Emmanuel Kant dans le cours de l'histoire sur France Culture, rêvait un monde en paix. Histoire du droit international. Nous y sommes en 1795 avec Kant, quand il réfléchit à la paix perpétuelle. Là aussi, il faut mettre en place le contexte. Ce sont les guerres de la Révolution. Mais cette idée de paix perpétuelle, Dominique Gorrier, elle a une histoire. C'est beau d'ailleurs comme idéal. Oui. Effectivement, ça remonte assez loin puisque ça commence avec Pierre Dubois. Qui est-il ? Pierre Dubois, qui est un prêtre. Il me semble, et qui a écrit un petit traité, qui parle un petit peu de tout, qui a été traduit en français, aux éditions des Belles Lettres, par un collègue d'Orléans, un jeune collègue qui s'appelle Forcadet, et qui est disponible aujourd'hui dans cette traduction, et qui est fort intéressant, et qui essaye de proposer une sorte de communauté d'État en paix. Et puis, vous avez d'autres auteurs. Il y en a un qui est assez intéressant, qui est du XVIe siècle aussi, dont je ne me souviens plus du nom. J'en parle dans mon bouquin quand je fais justement l'analyse de tous ces projets de paix perpétuelle. Et puis, on le retrouve également avec un auteur du XVIIIe siècle aussi, qui a proposé, comment est-ce qu'il s'appelle? J'ai votre livre sous les yeux, on pourra chercher. Oui. Non, parce qu'avec Pierre Dubois, nous sommes au XIVe siècle. Là, oui, ça veut dire cette idée Elle remonte à cette époque-là. Parce que c'est ça aussi l'histoire du droit international. Oui. C'est pas simplement mettre fin aux guerres après un conflit. C'est aussi penser l'avenir. Ouais. Penser l'avenir et penser une communauté d'États en paix. Ouais. Et le projet le plus abouti, c'est effectivement celui de Kant. Mais là aussi, toujours cette question-là, il y a le penseur, le philosophe, en l'occurrence avec Kant, et puis la volonté des États. Est-ce qu'il y a un écho dans cette volonté de paix perpétuelle? Alors, il y a un écho, et à mon avis, le premier écho qui est une vraie réalité, c'est après la Première Guerre mondiale, c'est la création de la SDN. Ouais, c'est ça, 1919. Voilà. On en revient à ce que vous disiez, Alain Pellet. Hein. C'est vrai que ce moment après Première Guerre mondiale, c'est un écho à toute cette histoire que nous évoquons. Oui. La paix perpétuelle, nous sommes loin de la vivre quand on traverse la période révolutionnaire et l'épisode napoléonien. Elle est pensée par Kant notamment, elle n'est pas du tout appliquée. Non. Mais après l'épisode napoléonien, on a le congrès de Vienne. Grand moment de discussion entre les nations. Alors, 1815, congrès de Vienne, 1919 ou 1920 la SDN, 1945 la Charte des Nations Unies. Il faut des catastrophes pour arriver vraiment à de vraies mutations. Oui. Les petites catastrophes du style Covid et probablement guerre en Ukraine, ça amène des petits changements. Des mutations, il y en a eu ces trois périodes-là, c'est tout à fait frappant. Mais si vous permettez, je voudrais redire un petit mot sur l'extrait de Kant qui a été élu. Moi, j'aime bien Kant, il n'est pas positiviste, il ne conduit pas au positivisme. C'est à mesurer. Sur. Moi, je suis beaucoup moins savant que vous. Moi, c'est très général ma connaissance des philosophes du droit. Mais ce qui est, à mon avis, le plus intéressant dans ce qui a été lu, c'est pas tellement l'idée d'une paix perpétuelle. C'est l'idée que, puisque les États sont souverains, il faut qu'ils s'entendent, et que quand on parle de souveraineté, eh ben elle ne peut pas être absolue. La souveraineté absolue, c'est complètement absurde. C'est aberrant. Ça n'existe pas. Parce que tous les États sont souverains. À l'heure actuelle, on en a 200. Enfin, en 98, peut-être. On en a 200. La souveraineté de chacun est forcément limitée par celle de tous les autres. Et c'est pour ça que mon droit international, de toute façon, il va demeurer. Il est de bon ton aujourd'hui de se lamenter sur les atteintes au droit international, la disparition du droit international et tout. Non, non, il va pas disparaître. Plus on est souverain, plus on a l'égalité souveraine conduira à revigorer peut-être d'autres règles, malheureusement plus intersouverainistes, mais d'autres règles de droit international. La souveraineté et le droit sont absolument inséparables. On ne peut pas imaginer des souverainetés dans l'abstrait. Et le droit international, au moins, ça sert à ça. Alors, est-ce que c'est suffisant pour parler de communauté? Mon avis est oui. L'avis des positivistes volontaristes est non. Mais mon avis est oui. Il y a d'abord une conscience quand même commune qui est relativement développée dans le monde contemporain. Puis il y a des obligations, c'est vraiment des banalités, mais qu'on pense aux pandémies, qu'on pense aux menaces sur le climat, etc. Bah ça force aussi les États à se mettre d'accord, en tout cas à ne pas se faire abstraction du reste du monde. Donc je crois que oui, il y a une communauté internationale, elle est forcée. C'est Vattel hein, qui a souligné très fortement l'égalité entre les États. Mais qui est indissociable de la souveraineté. Souveraineté et égalité, c'est vraiment un couple. C'est Vattel qui est le premier, véritablement, à insister sur cette idée d'égalité, que l'on soit fort ou pas, entre tous les États. Et justement, la SDN allait consacrer cette idée d'égalité. Et ce qui est très curieux, c'est que la SDN, c'est une proposition du président Wilson à la fin de la Première Guerre mondiale et que jamais, pourtant, les États-Unis n'en ont fait partie. C'est tout à fait bizarre et tout à fait curieux. Parce que dans ce que vous nous disiez l'un et l'autre, hein, mais notamment Alain Pellet, il y a cette idée que la souveraineté ne peut pas être absolue, ça ne fonctionne pas. On pourrait mettre ça au niveau de l'individu. La liberté individuelle ne peut pas être absolue parce qu'il y a la liberté des autres à côté. C'est ça. Mais c'est la Déclaration des droits de l'homme qui précède notre Constitution qui le dit. La liberté individuelle cesse là où commence celle des autres. Et ça fonctionne aussi pour le droit international, on pourrait dire que c'est ça, un peu ça. Ça fonctionne, oui, oui, en théorie absolument. Oui. En pratique, bah, il y en a qui sont plus égaux que les autres. Voilà. Mais c'est aussi la raison pour laquelle la souveraineté est un formidable outil aux mains des faibles. Du temps, du beau temps, du nouvel ordre économique international, du droit du développement, quand il y a eu une espèce de révolte des nouveaux États dans les années entre 60 et 80, des nouveaux États indépendants, ils ont d'abord commencé par dire on va mettre par terre tout le système de droit international, il nous est imposé par les méchants États capitalistes, ce qui est vrai accessoirement, mais finalement ils se sont aperçus, ah, quand même la souveraineté, c'est quand même un bon bouclier. Et donc, ça a permis quelques avancées en faveur des États qu'on appelait du tiers-monde. Je suis pas sûr qu'il existe toujours un tiers-monde, mais ça a permis des avancées. Donc, c'est un outil. Mais le droit international est un outil. Hein. Et c'est un outil qui vaut ce qu'il vaut. Tout à l'heure, Monsieur Corrier s'attachait à la sanction dans une perspective un peu kelsénienne. Moi, la sanction m'intéresse pas des masses, mais c'est un outil et il est utilisé aux nations. Regardez ce qui se passe en ce moment, l'essai de confiscation des Nations Unies par la Chine notamment, qui essaye d'utiliser le droit tel qu'il est pour en fait en changer complètement l'orientation. Le droit, ça, et vous parliez tout à l'heure de la colonisation, on revient un peu, j'aime pas tellement la chronologie, donc c'est pas grave. Je reviens en arrière. Comment que c'est clair, il y a aucun souci. Je reviens en arrière. Vous parliez de la colonisation, ça a été formidable. Les États européens civilisés, tels qu'ils se définissent, les États européens disent, nous on est tous égaux, mais quand même ces bons sauvages, ils sont pas égaux, donc nous on se fait pas trop la guerre, en tout cas on essaye de trouver des règles qui limitent la guerre et ses drames, mais par contre les autres on peut les dominer et tout ça, de toute façon ils sont plus faibles, donc le droit du plus fort va l'emporter. Oui, parce que cette idée, alors on a l'idée du droit naturel, de l'égalité, de la souveraineté, c'est aussi cette idée des Lumières. On a cité Kant pour le XVIIIe siècle, on a cité pas mal Aimer de Vatel. Vatel, parce oui. que le Vatel que nous citons, ce n'est pas le cuisinier du XVIIe siècle. Non, c'est bien le Suisse. Le Suisse de Neuchâtel, la principauté de Neuchâtel. Donc l'importance du XVIIIe siècle, c'est comme une évidence sur ces réflexions multiples. Le droit international ne peut pas être étudié, on ne peut pas réfléchir sur ce droit-là sans prendre en compte l'ensemble, en fait. Qu'est-ce que la souveraineté ? Qu'est-ce que le droit d'un individu ? Oui. C'est en ça qu'il y a un vaste mouvement oui. qui conduit au XIXe siècle. C'est là où l'on trouve encore des changements, où il faut vraiment attendre cette date que nous répétons sans cesse, l'après-Première Guerre mondiale, pour qu'on trouve vraiment cette idée de communauté internationale, de droit qu'il faut appliquer à tout le monde, cette recherche de paix universelle, éviter la guerre. Et autre chose qui est que le droit international va s'adresser directement aux individus. Jusqu'en 1919, c'est un droit entre les États, peut avoir des effets pour les individus, bien sûr, notamment en matière commerciale, économique, c'est ça qui intéresse les puissants. Mais c'est à partir de 1919 que tout d'un coup, on se dit « Ah, quand même, les minorités en Europe centrale, il faut leur donner des droits. » Et ça, c'est le balbutiement de l'humanisation du droit international, qui maintenant n'est plus seulement le droit entre les États qui devient un droit concerne aussi les individus, aux personnes privées, les individus, mais aux aussi individus. Les pouvoirs économiques. Et ça, c'est un développement récent, d'ailleurs que j'aborde aussi à la fin de mon ouvrage d'histoire. Histoire du droit international. En montrant justement toute l'importance que va prendre dorénavant dans le droit international l'individu. Qui a sa place. qui a sa place. Bah alors dites donc, cette avancée est majeure après la Première Guerre mondiale. Ça, c'est majeur. Ça ne fonctionne pas. Enfin, au sens où nous savons, alors ça, c'est la téléologie, nous savons qu'après, il y a des guerres, etc. Mais qu'est-ce qui fait que ces avancées du droit international n'ont pas eu les répercussions attendues, c'est-à-dire cette efficacité? La SDN, par exemple, quelle en était la limite? Qu'est-ce qui fait que, eh bien, elle n'a pas pu faire appliquer un droit international? Elle a fait des choses. Elle a fait des choses, la SDN. Je crois qu'il ne faut pas du tout négliger ça. Et notamment, elle a créé l'OIT. Non, elle a été créée en même temps. En même temps que l'Organisation internationale du travail. Mais je crois que c'est important, ça. Alain Pellet. Et elle n'a pas tout raté. Oui, quand vous dites ça ne fonctionne pas, c'est le genre de truc qui m'a toujours agacé avec les étudiants, désolé. Ah non, mais moi mon rôle est d'avancer les clichés vous comme savez, ça, vous les démontez. Vous savez, il y a quelques accidents d'auto parce que les gens respectent pas les feux rouges. Le droit, c'est quelque chose qui ne peut qu'être violé. Un droit qui peut pas être violé, c'est pas du droit. Hein. Si vous dites vous avez le droit de respirer au moins une fois par minute, c'est pas du droit parce que ça sert à rien et que ça peut pas être violé. Le droit peut être violé par essence. Et c'est vrai du droit interne, c'est vrai du droit international. Donc quand vous dites ça fonctionne pas, ce que mes étudiants m'ont répété pendant les 40 ans où j'ai dû enseigner le droit international, quand vous dites ça fonctionne pas, c'est pas vrai. Grosso modo, ça fonctionne. Les périodes sans guerre, en tout cas, si vous prenez les États individuellement, sont bien plus nombreuses que les périodes avec guerre. Et puis surtout, au jour le jour, les États se reconnaissent des immunités, ont des relations diplomatiques et respectent très bien, globalement les règles. Très bien, globalement, le droit. Donc, je récuse votre... Mais vous faites bien, ça fonctionne pas. Ça fonctionne plutôt pas si mal. Voilà, pour la SDN, effectivement, on a un nouveau regard à porter sur cet entre-deux-guerres. Il y a quand même eu la guerre d'Éthiopie, la Mandchourie, il y a eu pas mal de... Mais il y a eu la condamnation du Japon, d'ailleurs, à cette occasion, et très claire par la SDN. Et ça, on l'oublie trop. Alors, ce qui est très curieux, c'est que quand on aime bien les bandes dessinées, eh bien, c'est noté dans Tintin, ça. Dans Tintin, quand M. Mitsuhirato se fait condamner, et notamment par la SDN. C'est vrai. Donc, Tintin comme source du droit international. Vu que vous évoquiez la bande dessinée, moi je vous en propose une autre, cette bande dessinée, c'est Quai d'Orsay. Avec l'affaire du Louzdémistan, il y aura tous les chefs d'État à New York. Ces gens, c'est des cons, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Alors, légitimité, tac, tac, tac. Unité, tac, tac, tac. Efficacité, tchac. Tchac, tchac. Sinon, c'est la guerre. Oui, c'est pour ça, Alexandre, qu'il faudrait soutenir l'entrée de l'Allemagne au Conseil de sécurité. Il faut faire un geste. On a les Anglais contre nous sur le Louzdémistan. Et puis tu t'es engagé, en plus, vis-à-vis du chancelier quand tu l'as rencontré à Francfort. Il faut les soutenir. Alors, si on s'est engagé, on s'est engagé. Le problème, c'est que tu t'es aussi engagé vis-à-vis des Grecs et des Slovaques. Non, mais on ne va pas faire entrer les Grecs et les Slovaques au Conseil de sécurité. Il n'y a qu'à soutenir personne. De toute façon, ce qui compte aujourd'hui, c'est le Moyen-Orient, donc l'Amérique. Alors, laissez tomber votre friture européenne, ça n'a ni queue ni tête. Oui, Alexandre, il faudrait quand même que tu parles au président. Si tu lâches l'Allemagne... Le président, il m'a appelé 3 fois pour me coller un attaché culturel aux îles Fidji. Alexandre, dans ce cas, il faut que tu parles aux Allemands pour les avertir, par courtoisie. T'as raison, Claude. Appelle-les de ma part. Bien, on va appeler, c'est Thierry Lhermitte, dans le film Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier en 2013, d'après la bande dessinée Quai d'Orsay de Christophe Blain et Abel Lanzac. Dans cette histoire du droit international, le moment... Alors, j'ai envie de dire, fondateur, c'est l'après-Seconde Guerre mondiale, mais je reprends le titre de votre ouvrage, Alain Pellet, Les Nations Unies, textes fondamentaux. C'est fondamental ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale, autour des Nations Unies. Quel est ce moment particulier? On en est où du droit international dans sa vision générale? Il y a eu quand même une étape tournante entre 45 et maintenant, c'est la chute du mur. Mmh. En 90, on pense que on va pouvoir revenir à une interprétation et application de la Charte des Nations Unies plus conforme à ce qu'en espéraient au moins les Occidentaux en 45. Et ça marche. C'est-à-dire que dans le début des années 90, une grande effervescence juridique. On crée l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. On crée la Cour pénale internationale. Donc là, il y a une espèce de renouveau de l'esprit de 1945. Et puis après, patatras, tout se déglingue un peu. Les Nations Unies patinent, à mon avis, beaucoup. Et puis peut-être qu'on est depuis 2022, peut-être qu'on a une nouvelle charnière, une nouvelle date charnière. On va voir ce qui va en sortir. À mon avis, l'issue de la guerre en Ukraine est très importante, mais pas seulement. L'issue de l'équilibre entre la Chine et les États-Unis va aussi nous dire ce qui va sortir de ces détails de l'histoire, peut-être, comme aurait dit quelqu'un. Ces détails de l'histoire qui certainement ne sont pas des détails de l'actualité, mais qui peut-être sont pas suffisants pour modifier le système. Mais on va de nouveau certainement avoir des reconstructions nécessaires du droit international qui est quand même sacrément meurtri par ce qui se passe. Droit international meurtri, Dominique Gorier, oui. Quelle lecture en faites-vous? Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète énormément, c'est lorsqu'on a vu l'ONU donner une protection à des États criminels, et notamment l'Iran, qui était responsable des droits de l'homme, qui s'est fait donner la présidence des droits de l'homme, ce qui est quand même extrêmement inquiétant. Alors, qui se les fait retirer maintenant, aujourd'hui, mais quand même. Ça discrédite. Ça discrédite l'ONU. Est-ce que, quand nous évoquons ces idées de paix perpétuelle de Kant au XVIIIe siècle et que l'on regarde l'histoire du droit international, et là où on en est, il n'y a pas une histoire du désenchantement aussi? Certainement. Un espoir majeur d'une paix possible pour tous, c'est de se dire on n'y arrive pas, donc il faut composer. Par exemple, donner une place à l'Iran, qui est un État très très très contestable. Très criminel. Et bon, c'est reconnu aujourd'hui, mais on fait quoi contre? Et je dirais même que nos États européens, notre communauté européenne, qui a été une excellente idée, parce que j'en parle de cette création de la communauté européenne, je trouve que ça a été une idée absolument géniale que de créer, entre des États qui n'ont cessé de se faire la guerre, enfin une communauté d'États qui travaillent ensemble. Je trouve que c'est absolument génial, cette création de la communauté européenne. Et pourtant, elle ne fonctionne pas toujours très bien, cette communauté européenne. Je dirais même qu'elle est très paresseuse. Et que l'Allemagne a joué un rôle, je dirais, délétère dans cette communauté européenne. Notamment, la chancelière Merkel, lorsqu'elle a poussé la candidature de von Leyen là à la présidence de la communauté, et que c'est une catastrophe. Dans cette histoire de désenchantement et de critique, Alain Pellet, eh bien trop souvent c'est cet aspect-là qui est mis en avant, j'ai l'impression, les critiques et le désenchantement, et peut-être évoquer plutôt une forme de réussite malgré tout du droit international. D'autant plus que la Charte des Nations Unies, les droits de l'homme, oui, ils y sont, mais c'est quand même pas l'idée directrice. L'idée directrice, c'est la paix. Et la paix, globalement, il n'y a pas le nombre de conflits interétatiques a beaucoup baissé depuis 1945. Donc ça, c'est quand même un acquis. Les droits de l'homme, bon, ben, les États n'aiment pas être accusés. J'ai été pendant quelques années membre de la sous-commission des droits de l'homme des Nations Unies et j'ai été l'objet de sollicitations incroyables pour surtout ne pas condamner des mauvais États qui maltraitent leur population. La plus belle fille du monde. Oh, non, c'est pas du tout politiquement correct, ça. Disons qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et que, il faut pas demander aux Nations Unies non plus plus qu'elles ne peuvent donner. Il n'y a pas d'armée internationale. Il y a une espèce de, d'esquisse d'armée internationale dans le chapitre 7 de la charte. Mais c'est vraiment balbutiant. Il fallait que les cinq membres permanents se mettent d'accord. Ils se sont pas mis d'accord. Il n'y a pas d'armée internationale. Donc, il faut pas non plus en attendre trop. Le fait qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse se discuter de tout, même si le résultat est pas toujours enthousiasmant, le fait que quand même quelquefois le Conseil de sécurité puisse lui prendre des décisions, tout ça, c'est quelque chose qu'on ne remettra pas en cause, que même la mauvaise volonté des grands États à l'heure actuelle n'arrivera pas à remettre complètement en cause. Ben c'est une jolie conclusion. Merci vraiment à tous les deux. Alain Pellet, Dominique Gourier, et je rappelle hein, votre histoire du droit international aux presses universitaires de Rennes, et puis l'envie de relire ben, tous ceux dont nous avons cité, hein, que ce soit Grotius, Vatel, Pierre Dubois, pourquoi pas, et évidemment Emmanuel Kant. Et puis, pour nous, le moment, c'est d'avoir l'envie d'écouter Gérard Noiriel, car voici le pourquoi du comment. Pourquoi le roi de France a-t-il créé une police des Noirs ? En août 1777, le pouvoir royal fit adopter une déclaration pour la police des Noirs qui interdisait aux colons, sous peine d'amende, d'emmener en métropole, je cite, « aucun noir, mulâtre ou autre gens de couleur de l'un et de l'autre sexe ». Ces derniers étaient autorisés à faire le voyage avec leur maître, mais à leur arrivée, ils étaient conduits dans ce qu'on appelait un dépôt, jusqu'à ce que les colons reprennent le bateau du retour. Des mesures semblables avaient déjà été adoptées sans succès en 1716 et renouvelées en 1738. Le but était d'empêcher que les esclaves séjournant en métropole réclament leur liberté, car le droit français stipulait que toute personne résidant dans le royaume de France était réputée libre. C'est la raison pour laquelle le Parlement de Paris, qui était à l'époque une cour souveraine très puissante, avait refusé d'enregistrer les textes de 1716 et de 1738. La principale innovation de la déclaration de 1777 tenait au fait qu'à la différence des textes précédents, qui concernait uniquement les esclaves, elle s'en prenait indistinctement à tous les gens de couleur, y compris les mulâtres, qu'on appellerait aujourd'hui les métis, qu'ils soient esclaves, libres depuis leur naissance ou encore affranchis au cours de leur vie. Le fait que ce texte de loi ait adopté le critère de la couleur de peau des individus et non leur statut d'esclave a été vu par certains historiens comme une preuve de la racialisation du discours royal. Il semble pourtant que la raison principale qui poussa les autorités à faire disparaître toute mention de l'esclavage était d'ordre stratégique. Cette formulation permit en effet au pouvoir royal de contourner l'objection juridique du Parlement de Paris. La seconde innovation notable que présentait cette déclaration officielle se trouve dans l'article prévoyant la création d'un dépôt des Noirs dans 8 villes portuaires du royaume. Le but était d'éviter les évasions et d'empêcher la mise en contact des gens de couleur avec le peuple français, car les autorités craignaient que celui-ci leur transmette un esprit de liberté, comme on disait à l'époque. Loin d'avoir été inventé pour sévir contre les esclaves, le processus d'enfermement des Noirs s'inscrivait dans le prolongement des technologies de contrôle et de gestion des populations développées tout au long du XVIIIe siècle à l'égard des multiples catégories d'exclus, qu'ils soient vagabonds, déserteurs ou pestiférés. Cela n'empêche pas que cette déclaration pour la police des Noirs fut adoptée aussi pour tenter de résoudre les contradictions de plus en plus vives dans lesquelles se débattait le pouvoir colonial à la fin de l'Ancien Régime. Étant donné que des voix nombreuses dénonçaient l'esclavage, empêcher la venue des esclaves sur le territoire métropolitain était devenu un enjeu politique essentiel pour les colons et pour ceux qui les soutenaient à la cour du roi Louis XVI. Les auditeurs qui voudraient en savoir plus sur cette question pourront lire l'article publié dans Alarmé, une nouvelle et remarquable revue en ligne dont je donne les coordonnées sur notre site. Eh bien, nous irons sur le site internet du pourquoi, du comment, le cours de l'histoire franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares, avec aujourd'hui à la technique Timothée Hubert. Une émission préparée par, levez-vous, voici la cour, Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Copet, Violette Ruiz et Mayouen Guizhou, ainsi que Tom Undenstock. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter et à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Elle a provoqué la pire catastrophe démographique de l'histoire de l'humanité, la peste. L'exemple même d'une maladie qui est liée au développement humain et à la manière dont l'humanité s'est développée à une certaine époque. Comme il l'a fait pour le choléra, le Covid, la variole ou le sida, le médecin Renaud Piarou, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, va mener l'enquête pour vous. Mécanique des épidémies, 7e saison La Peste, un podcast de Renaud Piarou et Anne de Pelchin sur franceculture.fr et l'appli Radio France.